je t'appellerai mademoiselle. On part où tu veux ma belle. Je veux un rendez-vous, des bisous dans le cou. Tous les deux se faire la belle. Je t'appellerai mademoiselle. C'est un rendez-vous, sweet rendez-vous. Mia, d'où viens, je t'emmène au rendez-vous. Dis-le-moi jusqu'où ça ira. C'est un rendez-vous, sweet rendez-vous. Mia, d'où viens, je t'emmène au rendez-vous. Se faire la belle, on faisait claquer et remonter nos bretelles. Jusqu'à ce premier béguin, on était que des gamins. Jusqu'à ce qu'on croise la belle, la très belle mademoiselle. On partira à deux, au programme Cadillac sur le tarmac et Django en fond sonore. Tracer la route, effacer tous les deux. Je veux nous changer de décor, un, deux, trois, partez qu'on ait raison ou tort. À la Bonnie and Clyde. Fugitif et amour compulsif. Prêt à perdre la raison à chaque fois qu'on entend son nom. Je serai Bonnie mon Clyde. Pour nous écrire refrains et chansons. Du sur-mesure pour notre virée à deux. On fera le mur et on fera l'amour. Dîner aux chandelles, cliché avec tous les vœux. On sait si tu as besoin, je cours. On s'échappe par les yeux de secours. C'est ici qu'on les fera nos verres. À cette nuit sans fin, à nous deux enfin. Je t'appellerai mademoiselle. Dis-le-moi jusqu'où ça ira. C'est un rendez-vous, sweet rendez-vous. Mia, d'où viens, je t'emmène au rendez-vous. Dis-le-moi jusqu'où ça ira. Ton rendez-vous, sweet rendez-vous. Mia, d'où viens, je t'emmène au rendez-vous. Dis-le-moi jusqu'où ça ira.